Le journal coréen Rodong Sinmun a fait paraître le vite un éditorial titré « Félicitations aux femmes honorant l'époque de Malima par leur mérite fier à l'occasion du 107e anniversaire de la fête internationale des femmes du 8 mars ». Le président Kim Il-sung et le général Kim Jong-il ont inauguré le mouvement original des femmes coréennes dans la guerre anti-japonaise et conduit à sauvegarder fermement ces traditions. Leur direction était la source fondamentale pour les femmes coréennes de faire progresser une des roues de la révolution et imprimer les traces indélébiles dans l'histoire de l'éducation d'une puissance prospère. Saluer la conférence des pionniers de Malima, prévue cette année significative avec des mérites sans précédent, voilà la détermination unanime des femmes coréennes. Se disant, l'auteur invite les femmes à remplir leur mission et devoir fiers dans la marche à l'allure de Malima de la grande ère Kim Jong-un.